son entrée. Mais qui est donc ce roi de gloire? Elohim! Éternel Dieu tout-puissant dans le combat, qui est ce roi de gloire, Elohim, celui le roi de gloire. Alléluia! Oh, je le répète encore une fois, porte! Élevez-vous l'intent que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est donc ce roi de gloire? Elohim! Elohim, c'est lui le roi de gloire.